الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء فنحمده جل وعلا ونسأله التوفيق والسداد وبعد نواصل قراءتنا بحول الله جل وعلا في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد توقفنا البارحة عند قول الشارح لما ذكر سبب انتشار الطرق الصوفية وهذه العادات من بناء القباب على القبور وتشهيدها وذكر من هذه الأسباب انتشار الفكر الباطني على مصر وعلى غالب البلاد تغيرت العقيدة عند كثير من الناس وصار الإسلام اسما لا حقيقة له إلا من رحم الله ثم قال ولكن الله قيض أئمة من المجددين يدعون إلى مذهب السلف ويبينون ما في مذاهب الخلف من النقص والمخالفة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحدثين السلفيين وهؤلاء المجددون لأن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها كما في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود فالحمد لله أن الله يقيد لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبينه للناس وإن استحكمت الظلمات ودبت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين فإن الله جل وعلا يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبينه للناس وهذا من فضل الله جل وعلا وإحسانه ولله الحمد ولكن الانحرافات غلبت على العالم الإسلامي إلا من رحم الله ومن ذلك الانحراف في العقيدة حيث تركوا عقيدة السلف وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق وعلم الكلام وبنوا عليهما عقائدهم ومؤلفاتهم التي يدرسونها ويدرسونها في مساجدهم ومدارسهم وجامعاتهم. Donc on va continuer, Inch'Allah. Donc hier les frères, on s'était arrêté dans l'explication de la lettre de l'œuvre de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. On est toujours dans l'étude de l'introduction même du commentateur Al-Hawwa Ash-Shaykh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Et donc on s'est arrêté hier lorsque le Shir nous expliquait les causes. Et il a parlé d'une manière historique, hein, les causes qui ont occasionné ici la propagation dans le monde musulman d'habitudes qui n'existaient pas à l'époque des premiers musulmans et des premiers siècles. Des habitudes liées au polythéisme, comme par exemple l'édifice de mausolées, de coupoles et autres, et l'adoration ici de celle-ci, c'est-à-dire de ces tombes. Et d'autres doctrines qui se sont répandues à l'époque, lorsqu'il dit Al-Bataniya ont pris le pouvoir à l'époque en Égypte. Et ensuite, ce pouvoir s'est répandu sur une grande partie de pays. Ce qui a occasionné que ensuite beaucoup de musulmans sont sortis de la vraie voie héritée de nos pieux prédécesseurs. Et c'est pour cela que lorsqu'ont émergé dans le monde musulman différentes doctrines qui étaient nouvelles, qui étaient innovées, qui n'existaient pas à l'époque de nos pieux prédécesseurs, ça a occasionné, ça a généré que beaucoup de musulmans ensuite ont dévié du droit chemin, du chemin des ancêtres et des premiers, des meilleurs de cette communauté. Et nous, comme on étudie une risala qui est du madhab al-maliki, et on sait que l'école juridique malikite, affiliée à ce grand imam parmi les imams de la sunna, eh ben, c'est propagé dans le monde musulman, on a dit, et surtout, c'est propagé en Afrique et surtout, plus en particulier, au nord de l'Afrique. Et on avait dit que, à la base, les premières générations des savants malikites étaient au niveau du dogme et de la croyance sur la voie des pieux prédécesseurs et sur la aqida des salafs, Sauf que vous avez pu voir, après, avec le temps qui s'écoula, et lorsque le temps est passé, plus tard, avec le temps, eh ben, vous avez pu voir que beaucoup de savants en Afrique ou au nord de l'Afrique, eh ben, étaient d'obédience malikite, mais avaient choisi une autre doctrine au niveau de la croyance que la croyance de l'imam Malik. Et on avait commencé hier à évoquer des causes. Et ça, c'est important de les connaître. Certaines de ces causes, et l'une des causes de la propagation de, par exemple, de la doctrine Ash'arite dans le Maghreb, Afrique du Nord, on avait commencé hier à évoquer l'une des grandes causes, c'est lorsqu'il y a eu l'avènement de l'État, il y a eu l'État de Al-Mouahidine, ce qu'ils appellent Dawlat Al-Mouahidine, lorsque sont arrivés Al-Mouahidoun. On avait dit à sa tête, hein, le fondateur de cet État, c'était, on avait dit, un homme qui s'appelait Mohamed ibn Tumurst. Donc on s'est arrêté sur ça, et il nous fallait terminer juste ce point. Ensuite, on continue, Inch'Allah, sur l'explication de Cheikh al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala. Donc, Ibn Tumurst, on l'évoque, pourquoi ? Parce qu'il a eu un grand rôle. Il a eu un grand rôle ici, dans le changement de la croyance que la majorité des gens avaient au Maghreb à l'époque de Ad-Dawla al-Murabitin, à l'époque de cet état qui a été nommé Al-Murabitin, Dawlat al-Murabitin. Et de ce fait, on avait dit la majorité des fuqaha à l'époque étaient d'obédience malikite, hein, au niveau de la jurisprudence, mais ils avaient adopté au niveau de la croyance de nos pieux prédécesseurs. Ils étaient à la aqidat as-salaf pour la majorité d'entre eux. Lorsque on avait parlé un peu du périple, hein, et certains traits de l'histoire de Mohammed ibn Abdullah ibn Tumurt, on va pas trop s'étendre. Il y a de grands biographes, de grands savants de l'histoire qui ont rédigé sur ça, des écrivains qui ont parlé de ce passage dans le temps, de cette période, Donc je vous réfère à ça pour ceux qui veulent plus de détails. Et ce qui est important de savoir, c'est quand Mohammed ibn Tumurt, donc on avait donné certains traits de sa vie et de sa personnalité, puisqu'il a joué un grand rôle ici, dans le changement ici, de cette région. On avait dit qu'il était connu pour faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, de recommander le bien et de blâmer le blâmable. Mais, d'une manière très rigide et sévère, il était inflexible, il était très dur. Il est décrit comme ça dans les livres de biographie. Et de ce fait, ce qui lui a été reproché, c'est pas de faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, puisque c'est un mérite de le faire. Et au contraire, c'est une éloge. C'est pour cela que certains savants à ce niveau-là lui ont fait l'éloge, pas dans sa manière aussi. Par contre, il était connu pour sa sévérité et sa dureté dans le fait de faire cela. Sinon, parmi les mérites que certains biographes lui ont fait, c'est que lorsqu'il voyait al-munkar, lorsqu'il voyait la propagation du mal, alors il ne cessait point de réfuter et de réprimander. Il avait une personnalité très forte. Il avait une personnalité très forte. Sauf que lorsque vous lisez dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on se réfère au livre d'histoire de grands savants et spécialistes dans ce domaine, pourquoi ? Pour ne pas être injuste. Il ne faut pas que l'étudiant en science et le musulman de manière plus précise soient injustes. Comme beaucoup l'ont fait par rapport à d'autres savants. Parce qu'ils n'ont pas adhéré à leur doctrine ou à leur dogme, alors ils étaient injustes dans leur transmission de l'histoire ou des faits qui sont liés à ces hommes-là. Le musulman est juste. C'est pour cela que nous, pour être juste, on rapporte ce que les historiens disent. Et les historiens, dans les écrits, lorsqu'ils disent, ils disent, nous était rapporté cela, certains disent leur source même. Ils disent leur source, bien sûr. Donc l'histoire, comme on dit, il y a des gens qui parlent avec des choses qui sont fausses, avec les faussetés. Nous, on leur dit, Bainana wa bainakum al-kutub, comme disait un grand savant. Bainana wa bainakum al-kutub. Entre vous et nous, il y a les livres. Et cette science-là est dans les livres. Donc ce qu'on va rapporter, c'est ce qui est dit d'une manière historique, c'est ce qui est rapporté par certains écrivains. Et ça, il faut savoir ces choses-là. Pas par injustice ou pour rapporter des choses qui seraient fausses, mais pourquoi ? Parce que cet homme, comme il est dit, certains historiens disent que c'est la cause, que c'est l'une des causes du changement, un grand changement qu'il y a eu au nord Afrique. Et ensuite, qui va se propager même en Andalousie, hein, en Espagne actuelle. Un changement qui s'est fait d'une manière très sévère, par l'épée. Et si vous lisez l'histoire, il y a des choses qui sont sidérantes. Il y a des choses qui sont ajib, des crimes qui se sont commis. C'est pour cela que lui-même, Mohamed Ibn Jami, rahmatullahi alayhi, un grand savant qui était connu pour sa grande compréhension de la croyance, et de l'histoire de la croyance, des spécialistes dans le domaine, justement dans son livre Tarikh al-Aqida, l'histoire de l'Aqida, il va relater ce passage, il va parler de Mohammed ibn Abdillah ibn Tumurt. Il va parler lui aussi de cela. Et qu'il est la cause justement d'avoir rapporté cette doctrine en Afrique et surtout en Nord-Afrique. Donc on a dit que Mohammed ibn Tumurt, on avait dit certains, lorsqu'il est revenu de son périple, hein, lorsqu'il est revenu ensuite, puisqu'il était à la base du Maghreb, ensuite on a dit qu'il est né d'une kabila, d'une tribu qui était berbère. Donc à la base, il était berbère. Ensuite, on a dit qu'il est parti étudier la science, il est parti en Andalousie, ensuite il est parti vers l'Égypte, Hachem, en Irak, il a accompli le pèlerinage aussi. Et donc, il a rencontré de nombreux savants, comme on avait dit hier, Abu Bakr al-Tortouchi, par exemple, et de nombreux grands savants de l'époque. On avait expliqué lorsqu'il est revenu au Maghreb, on a dit ensuite, c'était à l'époque, lorsqu'il est arrivé à Marrakech, c'était l'époque de Ali ibn Yusuf ibn Tashfin, à cette époque-là. El-Muhim, l'important pour terminer ce récit, qui va nous apporter de nombreuses informations ici. Et ça va nous faire comprendre de nombreuses choses. C'est très important de connaître ces choses-là. À un moment donné, donc, il va commencer à faire da'wah. Sa da'wah. Et sa da'wah va se propager du fait que il était issu justement d'une tribu berbère. Donc il maîtrisait la langue berbère. Et aussi, il était très éloquent en langue arabe. Donc il était ancré dans la langue arabe. Il était très fort dans le domaine de la langue arabe. Et même les biographes, hein, les grands savants qui ont écrit dans la biographie de personnalités, de savants, certains n'ont pas été injustes. Regardez par exemple l'imam al-Dhahabi, Siyar al-Alam al-Nubala. Allez ce qu'il va dire à son sujet. Il va dire, c'est les paroles de l'imam al-Dhahabi. L'imam al-Dhahabi dit, Al-Shir al-Imamu, Al-Faqih, Al-Usuli, Al-Zahid, Abu Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Ibn Tumirt. Regardez comment il le présente d'abord à l'imam al-Dhahabi. Il dit al-imam al-faqih, si on peut le traduire de manière relative, hein, le juriste, al-usuli, al-zahid, l'ascète. Il était connu, hein, pour son ascétisme. C'est pour cela qu'ensuite, il va être à la tête d'une grande da'wah. Parce qu'il était connu pour son ascétisme. Il accordait peu d'attention à la dunya. Était connu pour son ilm, et comme on a dit, connu pour recommander le bien, réprimer le blâmable, etc. Et au niveau des sciences, il avait vraiment une compétence et habile dans les sciences. Ce qui fait que il va, ici, dans les tribus berbères, parce qu'à un moment donné, Ali ibn Yusuf ibn Tashfin, par rapport à l'épisode un certain épisode qu'on avait expliqué dans le dernier cours hier, il va donc l'expulser de Marrakech. Il va l'expulser de Marrakech. Et là, justement, il va se retrouver chez les membres d'une certaine tribu, près d'une certaine tribu, sont des barbares, et là, il va commencer à faire ad-da'wa. Sauf que sa da'wa, elle va se focaliser contre l'empire des Al-Murabitin et contre l'émir Ali ibn Yusuf ibn Tashfin. Donc il va, ici, commencer sa da'wa, et comme il était éloquent dans la langue berbère et dans la langue arabe, eh ben, ça va être plus simple ici, lorsqu'il va ici propager cela en langue berbère. En langue berbère. Et de là, c'est de là qu'il va même aussi leur rédiger un livre, qu'on avait mentionné hier, ce livre qui était célèbre, Al-Murshida. Kitab Al-Murshida, c'est un livre où l'imam Dahabi lui-même, va décrire ce livre, et l'imam Dahabi, regardez qu'est-ce qu'il dit, il disait, وَأَلَّفَ عَقِيدَةَ لَقَّبَهَا بِالْمُرْشِدَ. Il a écrit un livre dans le domaine de la croyance, qu'il va surnommer Al-Murshida. L'imam Dahabi décrit ce livre en disant فِيهَا تَوْحِيد وَخِيرْ بِنْ حِرَافِ بِنْ حِرَاف. Donc il y aura des choses liées au tawhid, de bonnes choses, par contre il y aura des dérives. Dans ce livre-là, il y aura des dérives. Observez ce que va dire l'imam Dahabi ensuite. L'imam Dahabi ensuite dit فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَتْبَعَ. Fahamala, ensuite, il va ici orienter ses partisans à suivre ce livre-là, Al-Murshida. Il faudra suivre les recommandations et ce qui est mentionné dans ce livre, et ce qui est traité dans ce livre. Wasammahum Al-Muwahidin. Et il va les appeler ensuite Al-Muwahidin. Vous avez vu, Al-Muwahidin, c'est ceux qui pratiquent Al-Tawhid. Sauf que c'est Al-Tawhid selon sa conception à lui. C'est pour cela qu'on, ce qu'il faut savoir, c'est pas toute personne qui appelle Al-Tawhid que forcément, il est sur la vérité. Par contre, il faut ensuite voir quelle est sa conception du tawhid, parce que d'autres doctrines, eh ben, ont utilisé le terme, l'appellation du tawhid. Et leurs doctrines même, certaines ont été basées sur tawhid. Comme par exemple, la doctrine de Mu'tazila. La dérive de Mu'tazila, cette tendance innovatrice, ce courant lorsqu'il a été, il a émergé, lorsqu'il a été propagé, eh ben, cette doctrine était basée sur 5 fondements, sur 5 principes. Et parmi ces principes, at-tawhid. Mais, à leur conception. Pas selon la conception des gens de la sunna et du groupe. Et ça, c'est très important à savoir. Donc, lui-même, l'imam Dahabi, regardez comment qu'il mentionne cela, il dit. Alors ensuite, lorsqu'il a rédigé Al-Murshida, ensuite, il a ordonné à ses partisans, eh ben, de suivre ce qui était mentionné dans les instructions qu'il y avait dans Al-Murshida. Il les a nommés, les a appelés Al-Muwahidin. Pour cela, lorsque plus tard, ensuite, ils vont renverser la dynastie ou l'empire de Al-Murabitin, ensuite, cet état va s'appeler l'état d'Al-Muwahidin. Et, regardez ce que va nous dire l'imam al-Dhahabi. Il dit, وَنَبَزَ مَنْ خَالَفَ الْمُرْشِدَ بِالتَّجْزِيمِ بالتجسيم وأباح دمه ونعوذ بالله الذين نعوذ بالله من الغي والهوى. الشيخ ensuite l'imam al-Dhahabi, l'imam dit ensuite il va nommer et accuser tous ceux qui vont pas suivre al-Murshida, son livre, comme étant des anthropomorphistes. Vous avez vu, hein, ce qu'on appelle al-Mujassima. Il va les accuser de tajsim. C'est pour cela que lui, il considérait ensuite l'état des Murabitin, il est considéré comme des anthropomorphistes. Comme Al-Mujassima. Al-Mujassima, vous avez vu, hein, c'est ceux qui comparent le créateur à la créature. Alors lui, il avait accusé les fuqaha, les juristes et les savants de l'état des Murabitin comme étant des Al-Mujassima, les partisans du Tajsim, de l'anthropomorphisme. C'est pour cela qu'il les a excommuniés de l'islam. Ensuite, il va les excommunier de l'islam. C'est pour cela qu'ensuite, il va appeler justement ces Qabail, ces tribus, ici, à l'insurrection contre Dawlat al-Murabitin, à se rebeller, à s'insurger contre l'état de al-Murabitin. Et l'imam Zahabi, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit donc, tous ceux qui vont contredire al-Murshida, son livre qu'il a fait, alors il les accusera d'anthropomorphisme et il va rendre licite leur sang. C'est même Zahabi qui le dit. Il dit, wa abaha damahu. Na'udhu billahi min al-ghayy, c'est-à-dire celui qui contredira cela, abaha damahu, na'udhu billahi min al-ghayy wal hawa. Et regardez l'imam Zahabi, il dit, et on demande qu'Allah nous préserve contre le ghayy wal hawa, si on peut traduire de manière relative en français, contre l'errance et la passion, qu'Allah nous préserve de cela. Ça, c'est juste le début de la biographie de l'imam Zahabi. Ensuite, il va relater des faits. Vous avez vu là, l'équité des grands savants, il a dit, au niveau du domaine ilmi, du savoir, de son habilité dans l'ilm, il a dit, hada faqih, imam, kada. Lakin, ensuite, l'imam Dhabi va dire les choses. Et lorsqu'il dit, wa na'udhu billahi, qu'Allah nous préserve de cela, ça ne fait pas l'éloge. Et c'est vrai, lorsque vous lisez dans certains faits historiques qui sont rapportés d'Ibn Tumirt, vous allez voir l'ajaïb. Vous allez voir l'ajaïb. C'était une personne qui avait, vous savez, nous on a une expression, on dit la main légère, pour frapper. Lui, c'était pas la main légère pour frapper, mais pour faire effuser le sang des autres, faire couler le sang des autres. Chez Ajib. C'est pour ça qu'il y a des récits qui sont très, très, très, on va dire, étonnants de ce qui est rapporté. Par exemple, il y a des faits qui sont rapportés de lui et de ses partisans. Lui et de ses partisans. Lorsqu'il a été... Il a été renvoyé, ou plutôt exilé de Marrakech par l'ordre d'Ali ibn Youssouf. Alors ensuite, il s'est retrouvé, il a été accueilli par certaines tribus, par une tribu. Parfois, il s'éloignait de cette ville où il était, et il allait se recueillir dans une bourgade plus loin, dans un endroit plus loin, et les gens de la ville sortaient avec lui, et se recueillaient avec lui, se rassemblaient avec lui à cet endroit, à cet endroit. Et il faisait ça, il est rapporté chaque jour, alors il sortait de cette ville et il allait se rassembler, il sortait. Et il allait à un endroit précis, il se rassemblait avec ces gens. Ces gens à l'époque avaient une habitude, vous savez, ça faisait partie de leur tradition, de leur habitude. Et ben, ils marchaient avec des armes. Ça faisait partie de leur coutume. Un jour, il leur dit, pourquoi venez-vous avec ces armes? Et donc, il leur rappelle sur ce sujet-là. Et le lendemain, ils sont repartis se rassembler à cet endroit précis, bien sûr, sans leurs armes. Et certains historiens qui ont expliqué et ont raconté cette histoire, ils disaient que c'était un plan. Parce que vous allez voir, lorsque vous lisez certains faits, il y avait des plans qui étaient machiavéliques. Ajib. C'est pour ça que certains l'ont décrit comme, ont décrit sa perfidie. Si vous voulez, il y avait des plans qui étaient vraiment machiavéliques. Et il dit, le lendemain, lorsqu'ils sont venus sans leurs armes, alors, il a ordonné à ses partisans de les tuer. Ajib. Un homme parmi ses partisans s'est levé. Il dit, Achir, comment est-ce qu'on peut traiter, agir de telle manière avec des gens qui nous ont accordé hospitalité? Il a dit à ses partisans, tuez-le car il doute de mon infaillibilité. Et de ce fait, cet homme-là ensuite, il a rapporté qu'il a été tué aussi. Il rapporte parfois, c'est des villages qui ont été tués. Ils ont massacré des villages. Et là, ils ont vraiment semé le mal et une corruption immense. Comme c'est relaté dans certains livres d'histoire. Il y a même un épisode, certains relatent, il y a un épisode qu'ils appellent le triage. Lorsqu'il a trié. Alors c'est un fait que je résume très rapidement en quelques mots. Il y avait un homme qui était avec lui, qu'ils ont surnommé plus tard Al-Bashir. Cet homme-là, il est dit que cet homme-là était quelqu'un qui était savant, qui mémorisait le livre d'Allah, le Coran, qui mémorisait Al-Muwatta de l'imam Malik, et qui était fervent dans la langue arabe, ou connaisseur de la langue arabe. était avec lui. Plus tard, il est rapporté, lorsque il va être à ses côtés plus tard avec des gens de certaines tribus, il le fera passer pour une personne, un ignare. Personne modeste, qui ne connaît rien, pas de connaissances, comme un vieux fou. Et cet homme-là se fera passer comme cela. Jusqu'à un jour, certains rapportent dans l'histoire, il sera dit, regardez, un tel al-Bashir, cette nuit a une révélation, des anges sont descendus à lui. Et il lui fut enseigné le livre d'Allah, le Coran. Il lui était enseigné le Coran, etc. Mais il y a un miracle, des anges sont descendus à lui. Alors, il le prendra et devant les gens, même Al-Mala, il lui fera réciter le livre d'Allah. Et les gens le connaissaient, c'était une personne qui était comme un ignare, une personne qui était jahil, ignorante, etc. Et là, il arrivera bien habillé et il récitera tout le Coran. Star la bannas. Il est même raconté dans l'histoire qu'ensuite, il dit, il y a à tel endroit dans un puits des anges. Et il les ramènera à cet endroit. Et il y aura des voix qui sortiront de ce puits. Et ils diront que ce sont des voix d'anges. Certains historiens disent en vérité, c'est des hommes qui ont été postés à cet endroit bien précis. Et de là, pourquoi il y a un tri? Parce qu'ensuite, il dira que Al-Bashir, par contre, a eu une révélation sur quelque chose. Il a la connaissance de quelque chose. Les bons parmi vous et les mauvais. Alors, Al-Bashir ensuite dira qui sont les mauvais parmi eux et les bons parmi eux. Donc, il mettra les bons à sa droite et il nommera les mauvais et les mettra à sa gauche. Et ensuite, il ordonnera de tuer tous ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire considérés comme les mauvais. Des crimes se sont perpétrés à cette époque. Al-Ajab, c'est ça qu'ils ont appelé l'histoire du tri. Un historien qui rapporte ça, il dit, c'est ce que m'ont rapporté des gens du Maghreb, qui sont connus pour leur honnêteté. Et il dit, d'autres m'ont rapporté une version. D'autres lui ont rapporté une version de ce fait-là, qui était le tri. Effectivement, ils disent, il y a eu ce crime qui était commis, et certains disent que ces gens mauvais, comment ils ont été distingués des autres, c'est que Mohammed bin Tumirt, il avait ordonné à des gens, de faire dans la ville, dans la contre qu'ils étaient, Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Et que tous ceux qui voyaient qu'ils faisaient des choses qui ne faisaient pas partie des bonnes mœurs, c'est de la moralité, alors de leur faire l'Amr bil Ma'ruf, de leur recommander le bien et de blâmer leur mal. Et ils disent qu'il leur avait aussi demandé de faire des listes. Tous ceux qu'ils avaient vus commettre des choses qui étaient contre les bonnes moralités, les bonnes mœurs, etc., et commettre des péchés, de noter leurs noms et des listes. De là, des listes ont été faites, écrites et ramenées à Mohammed bin Tumirt. Et de là, ensuite, ces gens furent réunis et tous ces gens qui étaient dans les listes furent mis à gauche, etc. Certains ont rapporté de cette manière. Des choses adjibes qui se sont produites. Et à un moment donné, ensuite, il a revendiqué qu'il était Al-Mahdi. C'est pour ça que vous allez voir dans An-Nasab, dans la généalogie, et il a prétendu dans sa généalogie qu'il était un descendant de Al-Hassan, fils de Fatima, la fille de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et un jour, il a même rapporté un fait. qu'il a dit à certains de ses partisans, il a creusé des tombes, et ils se sont mis dans les tombes, il leur a mis de la terre par-dessus, il leur a laissé un passage pour respirer, il a dit, lorsque je viendrai, vous parlerez. Certains faits historiques, il y a certains historiens qui rapportent ça. Vous pouvez trouver ça dans certains livres. Ensuite, lorsqu'il ramena les gens, ensuite, eh ben, il dit, regardez, les morts, ceux qui sont enterrés dans cet endroit, vont vous parler. Regardez, ils vont parler, ils vont communiquer. Et certains disent qu'ils disent qu'ensuite ils ont parlé. Parce que c'était ces partisans, ils étaient vivants. Donc ils ont parlé. Et les gens là, encore plus, ils ont cru en l'infaillibilité de leur shir, de leur imam. Et que c'était vraiment El Mahdi. Parce que les morts, hein, alors ce qu'ils ont dit, ça allait dans ce sens-là que c'est le Mahdi, etc. Ensuite, lorsque les gens s'en allèrent, il est rapporté qu'ensuite, ils ont jeté de la terre sur les tombes pour que ça reste un secret. Ils n'en sortent pas, ils ont été tués. C'est des faits comme ça qui sont rapportés. Ils ont tué des milliers de morts. Leur croyance est imposée avec l'épée. Certains même disent que les musulmans ont été prouvés par ce genre de personnalité. La communauté, hein, les gens ont été prouvés par ce genre de personnalité. C'est pour cela que cette doctrine a été imposée en Afrique, au Nord-Afrique plus précisément, par l'épée, et par la force, et par le crime. Voilà, Iyadou Billah, qu'Allah nous préserve de ces choses-là. Et l'histoire est encore plus longue, c'était juste un passage. C'est pour cela que vous allez voir que certains savants disent l'une des grandes causes dans la propagation du Madhab al-Ash'ari au Maghreb, et qu'ensuite, plus tard, des grands savants malikites seront ash'arites de doctrine jusqu'à nos jours, ça, c'est un grand passage de l'histoire, et ça, c'est l'une des grandes causes de la propagation du Madhab al-Ash'ari. Pourquoi? Parce qu'on a dit que lorsque, ensuite, il a voyagé, il est parti vers l'Égypte, Shem, etc., le Madhab al-Ash'ari était propagé, et lui a hérité de cela, et justement, ensuite, il a appris à ilm al-kalam, la science de la dialectique, et il était ancré dans la science de la dialectique. Ce que beaucoup de savants, à l'époque, n'étaient pas connaissants de la science de la dialectique, ils étaient sur les enseignements des pieux prédécesseurs. Celui qui aussi l'avait remarqué, c'est celui qu'on avait dit, Malik ibn Wahib, hier, qui était juge à Marrakech à l'époque de Ali ibn Yusuf ibn Tashfin, et qui était aussi conseiller de l'émir. Lui, il dit que c'est un philosophe, il était ancré dans la science de la dialectique. C'est pour ça que lui avait remarqué Mohammed ibn Tumert. Et qu'en réalité, ensuite, il s'est adressé à Ali ibn Yus ibn Tashfin en lui disant que cette personne ne veut pas le bien lorsqu'il recommande le bien. Cette personne veut al-fasad ou al-fitna ou al-sultan. Et l'autorité. Il veut l'autorité. Et c'est ce qui va se propager plus tard jusqu'à ce qu'ils vont imposer leur doctrine. Et lui, il va imposer justement la doctrine al-Ash'ari. Sauf qu'on a dit que malheureusement, il a mélangé d'autres doctrines. Il a pris de plusieurs tendances hérétiques et innovatrices. C'est pour ça que même certains écrivains vont même dire que il était d'une doctrine chiite à la base. Et que aussi, ça a été un acteur pour la propagation du chiisme au Maghreb. Certains voient cela. Pourquoi? Parce que ils disent qu'il s'est revendiqué al-Mahdi, ou al-Mahdi. Ça, de cette manière-là dont il l'a revendiqué, c'est la croyance de Shia, min al-Rawafid, ou l'imamiyya, comme ils appellent ça en français, la doctrine des Diosima, plutôt des, comme on avait dit hier, la doctrine de l'imamiyyin, Taïb. Et pour cela, beaucoup diront qu'il était une doctrine chiite. Or, à la base, non, il a pris ça, il avait du chiisme. Il a même pris certaines choses de la doctrine des Mu'tazilites. Il a même certaines dérives dues à certaines choses qu'il a pris du madhab al-Mu'tazilite, et même certaines choses, le Khawarij par exemple. Le fait d'excommunier les gens de l'islam, par exemple, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses écrits, avec lui, tous ceux qui réfutaient qu'il était le Mahdi. Ensuite, il les excommuniait de l'islam et kana yubih damahum wa dima'ahum. Donc vous avez vu, c'était un mélange de différentes doctrines. Al-Muhim, nous, ce qu'il faut retenir, par contre, au niveau de l'aqida, beaucoup de deux choses qu'il a propagées au niveau du dogme, c'était la doctrine de l'Ash'ira, ensuite qui s'est propagée dans le Maghreb. Taïb. On va continuer ici dans ce que ensuite nous dit le commentateur Cheikh Al-Fawzan ici dans son explication. طيب فقال الشيخ الفوزان c'est pour cela qu'ensuite le Cheikh va nous dire aussi avec la propagation d'autres doctrines et d'autres tendances innovatrices hein, d'autres fractions et d'autres sectes ensuite certaines choses qui n'étaient pas connues dans la première génération se sont propagées dans le monde musulman mais le Cheikh nous dit Allah a fait qu'il y ait toujours des imams qui sont des réformateurs pour prêcher à la voix des plus prédécesseurs et à la voix des anciens. Il dit yubayyinuna ma fi madhahib al-khalaf min an-naqs wa al-mukhalafa. À chaque époque Allah jalla wa ala, c'est pour cela qu'il va faire référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la tête de chaque siècle Allah va envoyer un réformateur hein, plus précisément le terme mujaddid, une personne qui va revivifier la science, les sciences et l'ilm. Et les enseignements de nos pieux prédécesseurs. Fa Allah jalla wa ala yab'ath li hadhihi al-umma ala kulli ra's 100 sana man yujaddid laha dinaha kama fi al-hadith. Donc à la tête de chaque siècle, Allah va envoyer un réformateur, un savant, un homme pour revivifier l'ilm, la science de nos pieux prédécesseurs. Et de là, ils vont réfuter justement toutes les choses qui se sont introduites parmi ces choses mauvaises et ces mauvaises doctrines, ces mauvaises pensées, ces mauvaises croyances, ils vont clarifier eh ben, le mal fondé de ces choses-là pour que la communauté, les musulmans et les musulmanes évitent toutes ces dérives. Regardez par exemple l'exemple qu'on a donné de Ibn Tumurt. C'est un exemple d'exagération. Regardez à la base, une personne qui avait des natures qui était louable, le fait de recommander le bien, réprouver le blâmable, qui est une nature louable, mais ensuite lorsqu'on exagère, et lorsqu'on fait preuve d'extrémisme en plus, eh ben, on s'égare. Le Nabi sallam قال, إِيَّاكُمْ وَالْغُلُو فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو. Le Nabi sallam dans le hadith dit, prenez garde de l'exagération, de l'excès, car beaucoup de ceux qui étaient avant vous ont péri à cause de l'exagération. Et combien de gens on voit, ils tombent dans l'exagération et l'excès. Faut faire attention. Parfois on est dans l'excès, l'exagération, et Iblis, Shaitan, nous embellit et enjolive cette exagération. Parfois on se pense dans le bien, on exagère. Lorsqu'on fait l'anathème, lorsqu'on excommunie les gens, injustement, de la sphère, de l'islam et de la bienséance et autres, on exagère. Et on voit l'exagération et l'excès dans la religion. Où est-ce que cela a mené beaucoup de musulmans dans de nombreuses contrées dans le monde musulman, regardez, à l'heure actuelle? Où est-ce que ça les a menés? C'est pour cela, min aham il muhimmat, parmi les grandes obligations, awwalan, la première chose, at-tawhid awwalan, qabla kulli shay, al-aqida, la croyance. Regardez, l'exemple de l'auteur lui-même. Et on va expliquer le contexte, pourquoi est-ce que l'auteur Ibn Abi Zayd a rédigé cette Rissala, vous allez voir. Et ça va nous faire un grand rappel. Ça va nous faire un grand rappel dans ce qui va suivre. Puisqu'à la base, elle a été rédigée pour des enfants. Ajib, comme on va le voir, c'est son shir qui enseignait le Coran à des enfants et voulait leur enseigner la compréhension du Coran et du fiqh. Il a demandé à son élève, Ibn Abi Zayd, Al-Qayyarawani, d'écrire cette risala qu'il va pouvoir enseigner justement les talabat al-ilm pour les élèves. Ajib, vous allez voir dans ce qui va suivre. Il est même dit, donc, certains ont même dit qu'il l'a écrit alors qu'il avait 17 ans. Mais ne comparez pas 17 ans de notre époque avec les gens des autres époques. Ne comparez pas. À l'époque, les gens qui atteignaient cet âge-là, regardez dans les biographies des grands imams, certains à cet âge-là étaient califes. Certains ont été nommés califes, ont hérité du califat de leur père. Hein. Regardez par exemple lorsque vous lisez dans Daoul al-Umayya, dans l'empire des Omeyyades, après, lorsque le premier de la dynastie des Omeyyades qui a régné en Andalousie, Abdelrahman al-Dakhili, ce qu'on a appelé Abdelrahman qui est entré, al-Dakhili, le premier Omeyyade, à cause des persécutions, après, même ça c'est une histoire, c'est une très belle histoire que je vous réfère de lire, je vous recommande de lire. Tout son périple, parce qu'il était persécuté, il faisait partie des garçons descendants qui pouvaient hériter, ici, du trône. Et les Abbasides, ensuite, tous ceux qui étaient de la dynastie des Omeyyades, tous les garçons qui pouvaient hériter du trône, alors, ils les persécutaient, ils étaient, en quelque sorte, à leur trousse. Pour, les tuer. Et Abdelrahman, lui, faisait partie des derniers de ceux qui étaient persécutés. Il a dû se sauver. Il cherchait un endroit de sauver. C'est une longue histoire jusqu'à ce qu'il s'est trouvé en Andalousie. Et ensuite, il deviendra le premier de la dynastie Omeyyade qui va régner en Andalousie. Il était jeune lorsqu'il est parti. 17-18 ans. Lisez encore des plus jeunes, certains qui ont hérité de trônes, encore plus jeunes. Lisez l'histoire de grands ulamas, de grands imams. Leur père les mariait à peine à l'âge de la puberté. Ça y est, c'était des hommes. Au niveau de leur mentalité, dans leur manière de concevoir les choses, dans leur manière de vivre, dans leur savoir, c'était des gens qui étaient âgés au niveau du savoir, c'était des grands au niveau du savoir. Et d'autres étaient plus âgés, mais petits au niveau du savoir. El-ilm, comme il est dit, les imams, certains imams disaient, el-ilm, ça agrandit, ou el-jel, ça rapetissit. El-ilm donne de la grandeur aux individus, la science. El-jel, l'ignorance, rabaisse les ignorants. Pour cela, il est dit qu'il l'a rédigé, certains disent, à l'âge de 17 ans. On dit, il commence par el-aqida. Pourquoi ? Parce que pour la validité de nos œuvres, il faut al-aqida. Vous voyez, lorsque beaucoup de gens sont partis étudier chez des grands ulamas, chez des grands savants, lorsqu'ils sont revenus dans leur contrée, parce que ça c'est important, il y a un verset qui dit qu'une partie d'entre vous voyage, aille chercher la science, liyatafaqahu fid din, Allah dit, et qu'ils reviennent pour avertir leur peuple. Donc Allah exhorte à cela qu'une partie... certains membres de certaines contrées, les membres de certaines populations, partent et aillent s'acquérir du savoir et apprendre le savoir et qu'ils reviennent ensuite avertir leur peuple et enseigner à leur peuple. Combien de gens sont partis étudier chez les grands savants? Et lorsqu'ils reviennent, et lorsqu'on veut apprendre d'eux, ils ne nous enseignent pas l'aqida, al-tawhid. Ils ne nous enseignent pas l'aqida ou al-tawhid. Et comme cela, ensuite, ça a été la cause que de nombreuses dérives se sont propagées dans le monde musulman. Combien, par exemple, Talabat al-Ilm en Afrique, qui appellent justement à la bonne croyance, à la aqida, mais ils sont peu. Alors que d'autres appellent aux dérives. Combien dans certains musulmans, beaucoup de gens qui sont ignorants appellent aux dérives, à l'extrémisme, à l'exagération dans la religion. Aïna alladhina yubayyinun al-haq. Où sont qui ont appris la science et qui clarifient la vérité? Que certaines choses qui sont propagées dans le musulman, ça fait partie de l'extrémisme, de choses exagérées. Où sont-ils ceux qui apprennent aux gens que la non-respectabilité des autorités, l'insurrection et la rébellion envers les autorités ne fait pas partie de la sunna du messager d'Allah? Aïna haoula. C'est pour cela que, ici, le mérite de l'auteur d'avoir commencé à mentionner ici, alors qu'à la base, il doit mentionner la jurisprudence, ici, parce que c'était pour l'enseignement de la jurisprudence et du fiqh. Mais il commence par cette muqaddima qui est aqidat al-salaf. Aqidat al-salaf. Et bien, Cheikh dit qu'à la tête de chaque siècle, Cheikh Fazan nous explique, il y aura toujours un réformateur qui va appeler les gens au bien et les faire sortir des ténèbres de l'ignorance et de l'égarement. Taïb. Et de cela, ensuite, la religion est protégée. Taïb. Faqala, ensuite, Cheikh dit, pour avancer, وَاَدِينُ مُقَدِّمَ لِبْنِ أَبِي زَيْدِ مِنَ النَّمْطِ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ لِأَنَ الْمُؤَلِفِ مُتَقَدِّمِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْنِ الرَّابِعِ. Le Cheikh nous dit, regardez, cette introduction de cet auteur, Eh bien, lui, il a suivi la méthodologie des pieux prédécesseurs. Pourquoi ? Parce que le temps lui-même est ancien. Il ne fait pas partie des contemporains. Comme on a dit. Et il nous dit, il est du 4e siècle, comme on l'avait dit. Regardez, hein, à le décalage qu'il y a avec notre époque à nous et cette époque, hein, plus de 10 siècles. Et regardez cette croyance qui est toujours propagée. C'est pour ça que celui qui est sur ses enseignements, il doit remercier Allah dans un premier temps. Remercier Allah. Le bienfait de se préserver de toute forme de dérive. Et il dit, وَكَانَ عَلَىٰ عَقِيدَةِ السَّلَفِ أَلَّتِي دَرَّسَهَا عَلَىٰ مَشَائِخِهِ أو plutôt, أَلَّتِي دَرَّسَهَا عَلَىٰ مَشَائِخِهِ وَتَبَحَّرَ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَلِكِ حَتَّى صَارَ مَرْجِعًا فِيهِ وَصَارَ يُسَّمَّ مَالِكَ الصَّغِيرِ لأنه يشبه الإمام مالك في إتقانه للمذهب والعقيدة وهو محل ثقة الناس من مؤلفاته هذه ومن مؤلفاته هذه الرسالة ومقدمتها. Et il dit, et lui, ce qu'il a appris de ses mashayikh, de la croyance de nos vieux prédécesseurs, ensuite, et ben, tellement il a excellé dans cela, tellement il était brillant, et tellement il a maîtrisé le madhhab de l'imam Malik, il a été surnommé le petit Malik. Et il a été fidèle, honnête, dans le suivi, que ce soit dans l'aspect et le domaine de la croyance que de la jurisprudence. Et regardez la contradiction dont on a parlé hier, le fait de suivre la jurisprudence de l'imam Malik et pas sa croyance. Regardez ce qui est rapporté de l'imam Malik. Imam et Ahl Sunnah. Par exemple, le célèbre fait, la célèbre histoire, lorsque l'imam Malik parlait de l'istiwa, l'attribut d'Allah, le fait qu'Allah soit élevé au-dessus de son trône, et on parlera en détail dans l'étude de la Muqaddima justement. Lorsqu'un homme est rentré et a demandé au sujet du kayf, du comment, quelle fut la réaction de l'imam Malik ? L'imam Malik lui dit, alors qu'il a rougi, l'imam Malik il a été décrit comme étant, il a transpiré, rougi par rapport à cette question. Une question qui ne se pose pas. Alors il dit, al-istiwa ma'loum. Le sens de l'istiwa est connu. Et le sens dans langue arabe, l'istiwa ala urtafa'a, comme on verra. Wal-kayf majhoul. Wal-imanu bihi wajib. Wal-su'alu anhu bid'a. Ensuite, il demande à qu'on sorte cet homme. Faqala, la araka illa bi annak mubtadi'a. Voilà, kada était la réaction de l'imam Malik. Il dit, le sens de l'istiwa est connu. Wal-kayf, le comment, majhoul, est inconnu. Dans une riwaya, il est rapporté, ghayr ma'qoul. On ne peut pas concevoir le comment. Il n'est pas imaginable. C'est-à-dire que notre raison ne peut concevoir le comment de l'istiwa. Wal-imanu bihi wajib. Et la croyance en cela est une obligation. Et le fait de poser la question est une innovation. Sortez cet homme car je ne vois que le fait que c'est un innovateur. Hakada était l'imam Malik. Il est même celui qui a dit لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. La fin de cette communauté ne se réformera point si ce n'est avec ce que s'est réformé la preuve, ou le premier, ou le début de cette communauté. Et il est l'auteur de cette parole. Donc, l'imam Malik n'avait aucune relation de près ou de loin avec la doctrine ash'arite. Et c'est impossible. Pourquoi ? Parce que l'imam Malik est décédé à la fin du deuxième siècle. Et plus précisément, en l'an 179 de l'Hégire. Ça c'est important, mémorisez-le. 179 de l'Hégire. Et le grand savant, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, lui est né en 260 de l'Hégire. Vous avez vu ? Il naît après la moitié du 3e siècle. Vous avez vu la différence ? Donc, il n'y a aucune relation, aucun lien entre l'imam Malik, imam Idar al-Hijra, avec le madhab al-Ash'ari. Donc, se dire malikit, maliki fil fiqh, wa ash'ari fil aqida, wa fil suluk, soufi, fahada gharat, tanaqud, c'est une contradiction, c'est une contradiction. Juste une annotation, lorsqu'on se dit, on parle du terme soufi. Et une bonne compréhension. Vous allez voir dans, parce que lorsqu'on lit, on pousse à lecture, vous allez voir que dans certaines biographies de grands imams, ils ont été décrits par de grands savants comme étant des gens du tasawuf. Kana mutasawuf. Vous trouvez ça dans des biographies. Ensuite, celui qui n'a pas vraiment tous les éléments, les tenants et les aboutissants, comme on dit, tous les éléments, il peut se dire « Ah, tel shir min a'immati salaf kana soufiyan. » Laisse à hada al-ma'na. Un savant a bien illustré cela en disant qu'il faut faire une distinction entre trois choses lorsqu'on parle du terme soufi. Soufi. Premièrement, il y a eu des grands imams. De grands imams que dans des biographies, on va dire qu'ils ont du tasawuf, une forme de soufisme. Du fait, c'est dans le sens que c'était des gens qui avaient de l'ascétisme, qui faisaient preuve d'ascétisme. Même certains, ils ont été décrits comme des gens qui ont divorcé cette vie d'ici-bas. Tellement ils étaient modestes, ils n'accordaient aucune attention à cette vie d'ici-bas. C'était des gens qui aidaient les pauvres, ils n'ont pas été touchés par l'amour des fortunes et autres. Ils vivaient dans la simplicité, dans l'adoration du Seigneur, jusqu'à ce que certains, on savait tellement qu'ils étaient engrais dans l'adoration d'Allah, on demande à Allah qu'on fasse partie de ces gens-là, ils goûtaient aux délices. Ils aimaient adorer le Seigneur. Certains disaient, lorsqu'ils se levaient pour prier, c'était un délice pour eux. Certains disaient que les premières années, ils forçaient leur âme à l'adoration d'Allah, et les années d'après, pour eux, l'adoration d'Allah, c'était un délice. Comme un imam disait, j'ai mis 20 ans. Pendant 20 ans, il priait la nuit. Pendant 20 ans. C'est les 20 autres années qu'il a goûté au délice. Il te lève. Il te lève bi ibadatillah. Vraiment, certains imams, avec comme ils ont été décrits, hein, avec ces paroles toutes simples, on a tout compris, ça illustre vraiment la chose, ils ont divorcé cette vie d'ici-bas. Et ils ont été décrits comme kana'andum tasawuf. C'est hada al-ma'na, de grands imams par rapport à leur ascétisme. Deuxième sens, soufi, c'est ceux vraiment, après la deuxième catégorie, ceux qui ont adhéré aux différentes confréries. Adhéré aux différentes confréries. Et troisième catégorie, c'est ensuite qui ont exagéré, qui sont allés très loin dans la dérive, c'est ceux ensuite qui ont adhéré à la croyance de l'entité unique. Wahdatul wujud. Walayyadu billah. Taïb. Même c'est pour bien comprendre, dans certaines biographies, vous pouvez voir le terme tasawuf et l'akhiri. Al-Muhim, on revient. Donc l'imam Malik n'avait aucun lien avec le madhab al-Ash'ari. Vous avez la différence? Comme on a dit, par rapport aux dates. Et lui-même, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, lui-même, ensuite, lorsqu'on regarde sa vie, il n'est pas celui qui a propagé le madhab al-Ash'ari comme on le connaît aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les savants nous expliquent que l'imam al-Ash'ari, Abul Hassan al-Ash'ari, et lui, sa lignée remonte au compagnon Abu Musa al-Ash'ari. Ça remonte sa lignée au compagnon Abu Musa al-Ash'ari. Lui, il est rapporté dans sa vie que lorsque son père décéda, sa mère s'est remariée avec un homme qui était connu à l'époque. Il faisait partie des imams de la doctrine de l'Mu'tazila, des Mu'tazilites. Les imams de l'Mu'tazilites. Il s'appelait Abu Ali al-Jabba'i. Abu Ali al-Jabba'i, qui est un imam de l'Mu'tazila. Et ensuite, sa mère s'est mariée avec lui. Donc ensuite, il grandit. Il grandit avec, eh ben justement, le savoir qui était propagé de cette doctrine de l'Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila. Donc c'est la première phase de sa vie. Sauf qu'ensuite, certaines choses vont être confuses. Il ne va pas adhérer à certaines choses. De là, il va passer une deuxième phase. Il va adhérer à la croyance d'un homme qui s'appelait Al-Kullab, Al-Kullabi. Qui ensuite, les partisans seront appelés Al-Kullabiyya. Al-Kullabiyya. Il va adhérer à cela. Ou, eux-mêmes réfutent justement Al-Mu'tazila. Jusqu'à ensuite à la fin, il va passer à une autre phase où là, il va revenir à là, lorsqu'il va connaître la croyance des gens de la Sunna. Là, il va revenir sur la croyance des gens de la Sunna et il va lui stipuler d'une manière claire dans son livre qui est connu. Il a son livre Ibana, qui s'appelle Ibana, ou Al-Maqalat aussi, qui s'appelle Al-Maqalat, où il lui stipule clairement, il le clarifie, et il va dire Ana ala aqidati Ahmad ibn Hanbal. Et il va revenir à la croyance des pieux prédécesseurs. Donc lui-même, ensuite, il va quitter ce monde sans la croyance des pieux prédécesseurs. Taïb. Cheikh Fawzan ensuite nous dit فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ ثَمِينَةٌ فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ ثَمِينَةٌ جِدًّا. Donc il dit, cette introduction, Cheikh nous dit, elle est vraiment précieuse. جِدًّا وَسَبَبْ تَأْلِفِهَا مِنَ الرِّسَالَةِ أَنَّ مُدَرِّسَ الْقُرْآنِ الَّذِي دَرَّسَهُ الْقُرْآنِ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُؤَلِّفَ رِسَالَةً فِي فِقْهِ الْإِمَامِ مَالِكٍ تَكُنْ بِأَيْدِي الطُّلَّابِ لِيُدَرِّسُهُمْ إِيَّاهَا ويحفظهم إياها فكتب هذه الرسالة مع مقدمتها استجابة لمعلمه فهذه الرسالة ومقدمتها طارت بأيدي الناس فرحوا بها وانتشرت وصارت تدرس للطلبة من حفظة القرآن وغيرهم وهذا ببركة التحقيق وصلاح النية وليست العبرة بضخامة المؤلف أو كثرة المجلدات وإنما العبرة بما في المؤلف من العلم الصحيح وما في القلب من الإخلاص لله جل وعلا ولو كان المؤلف مختصرا فهذه الرسالة ورقات قليلة ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة. Regardez ce que nous dit pour terminer l'introduction du commentateur. Il nous dit donc, cette lettre a été écrite lorsque son professeur de Coran, son cheikh dans le Coran, qui enseignait le Coran, lui a demandé de rédiger une œuvre, un livre, un écrit concernant le fiqh de l'imam Malik, qui serait entre les mains des étudiants, et pour cela il pourra leur enseigner. Et il leur fera mémoriser cela. Alors, l'imam Ibn Abi Zayd a répondu favorablement, justement, à la demande de son maître, et il rédigea cette muqaddima, ou cette risala plutôt, cette risala. Et donc ensuite, cette risala ensuite s'est propagée, elle a connu un succès, et elle a été enseignée aux étudiants min hafadat al-Qur'an wa ghayrihim. Donc il y a eu une grande baraka, une grande bénédiction. Et Cheikh nous dit, hadi al-baraka bi barakat al-tahqiq wa salah an-niyya. Comme ça, lorsqu'une personne a une bonne attention envers son Seigneur, Allah élève qui il veut. Et regardez, Cheikh ensuite nous dit quelque chose de très pertinent. Il dit, ce qui est important, c'est pas l'épaisseur d'un livre. Écoutez bien. Ce qui est important, c'est pas l'épaisseur d'un livre. La grandeur du livre, la grosseur d'un livre, ou bien le nombre de volumes et de tomes qu'a un livre. C'est pas ça. L'important, ce n'est pas l'épaisseur et la grandeur de ce livre. Il y a les quatre tel modèle la date. Mais il dit, l'important, c'est quoi? C'est que ce qui est mentionné dans le livre, que ce soit une science pure et saine et authentique. C'est ça qui est important. Même si l'œuvre, elle est résumée, abrégée, concise, l'important, c'est qu'elle soit, qu'elle mentionne et renferme une science authentique et qui émane d'une sincérité, d'al-ikhlas. Fadal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الله Taïb, donc pour terminer, donc la traduction du shir, il dit, donc al-shir dit, wa laysat al-ibra bi dakhamat al-mu'allaf. Donc là, ici l'importance n'est pas, comme on a dit précédemment, l'épaisseur du livre ou le nombre, le grand nombre de volumes, de tomes de ce livre, mais ce qui est important, c'est la science authentique que va contenir le livre. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit وَإِنَّمَا الْعِبْرَ بِمَا فِي الْمُؤَلَّفْ مِنَ الْعِلْمِ الصَّحِيحِ وَمَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Et il dit ce qui est important aussi, c'est la sincérité qu'il y a dans le cœur justement du serviteur. Il dit même si l'œuvre est concise et abrégée, même si elle est brève, il dit l'important ici, c'est que ce qu'elle renferme, ça émane d'une science authentique et qu'il y ait la sincérité. ومع هذا نالت هذه الشهرة العظيمة. Et malgré qu'elle soit abrégée et concise, elle a connu un succès, cette œuvre, ce livre, cet écrit du grand savant Ibn Abi Zayd a connu un succès et elle a été propagée dans le monde musulman. Elle a même été retrouvée, hein, il est même dit qu'elle a été retrouvée dans d'autres pays lointains. Elle a été retrouvée dans d'autres pays lointains, des gens qui l'avaient mémorisé, réécrit et autres. Elle a connu vraiment un succès. Regardez, nous aujourd'hui, en cette heure-ci, en cette tertia, cet endroit précis, on étudie l'œuvre de cet imam, qui est mort il y a plus de 10 siècles, qui est dans sa tombe, au moment où on parle. Ouais, kada, et shirdi, ensuite shirdi, en regardant l'imam, tatadammanuhu min at-tahqiq wal ilm as-sahih, et lorsqu'on observe le côté, qu'est-ce que renferme cette risala de cette science authentique, avec vérification. مع سلامة نية المؤلفها. مع سلامة نية مؤلفها. Avec ici cette intention bonne et pure de cet auteur. وإخلاصه لله ونصحه. Avec cette sincérité envers Allah et le conseil qu'il prodigue. Alors هكذا العالم المحقق. Le Cheikh à la fin termine son introduction en disant et comme cela est le savant spécialiste. Comme cela est le savant spécialiste. Allah yaj'alullah al-barakata fi 'ilmi. Allah met de la bénédiction dans sa science. Wa fi mu'allafatihi walau kanat saghiratan aw qalila. C'est pour cela que parfois ici l'importance c'est la mise en application du savoir. Beaucoup de gens ont de la science, du savoir. Il y a des gens qui sont moins connaisseurs qu'eux et parfois qui sont plus élevés auprès d'Allah que eux-mêmes, que ceux qui ont cette science-là. Pourquoi? Parce que la ibra, ce qui est important, c'est la sincérité, la mise en application de notre savoir. Alors il dit, regardez, Allah a mis une baraka dans cette étude, dans ce livre-là, même s'il est concis et abrégé. Voilà, on a fini l'introduction du commentateur de Charles Fawzan en ce qui concerne la lettre d'Ibn Abi Zayd. On va lire juste le début de la Muqaddima. Muqaddima d'Ibn Abi Zayd. فقال المؤلف رحمة الله عليه قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على الألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسلهم وكتبهم عاملين وتعلموا ما علمهم ووفقهم أو ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمل الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك ومن سنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على المذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجيته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله ودعا إليه نقف إلى هذا إن شاء الله on s'arrête sur cela et demain on continuera sur l'explication de l'épître والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين